CIFOU 89.1. Pour plus d'informations, visitez CIFOU.ca. Fou d'exploration. Vous êtes dans la zone 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web. Et sur cfou.ca. Fou de différence. C'est fou.ca. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. C'est fou 89.1. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès. C'est fou. Ah, je savais que tu te lirais. J'allais le faire. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Oui, la France va rentrer si tu refais une intrusion à chaque semaine comme ça. Ben oui, écoute, peut-être qu'on va, ça, on va être rendu à notre deuxième émission animée ensemble. C'est ça, faut le dire, ce n'est pas ma co-animatrice officiellement. Non, c'est ça, je fais juste intrusion dans l'émission à chaque semaine depuis deux semaines. Et si tu t'adonnes à le faire toute la saison, ben ce sera tant mieux. Ben c'est ça. Salutations au petit monsieur qui est à côté des studios qui tente de rentrer dans le building. C'est bizarre, il y a des gens comme ça qui passent devant le studio, on a l'impression d'avoir un public et eux, ben, on est comme leur public de folerie parce qu'on comprend pas pourquoi. Ils nous entendent pas de toute façon. C'est ça, ils cognent dans chaque fenêtre. Si seulement C'est fou était diffusé à travers les ondes de toute la planète. Ah, ça serait fou, hein? Mais on peut grâce à Internet. C'est exact. On devrait installer Internet dehors pour qu'ils puissent nous entendre. Ben oui, on est même écouté parfois de la France, alors... La France! Ben oui! Ben voilà! Du ben coup, voilà! Ouais. Donc, à l'émission cette semaine, on va avoir, bien sûr, nos chroniques habituelles. Alors, en fait, pas toutes nos chroniques habituelles. Je te dirais qu'on va réserver, un peu comme on a fait la semaine passée, on avait réservé Palmer Rest in Peace, on a fait plusieurs fois dans l'émission. Cette semaine, on va réserver la case chronique à un instant classique. On va résumer les trois dernières semaines, en fait, les trois premières semaines de la saison, mais les trois semaines les plus récentes, au cours de l'émission d'aujourd'hui. Nos autres chroniques seront de retour dans leur case habituelle à partir de la semaine prochaine. On va ramener tout dans le bon ordre. Palmer's in Peace, un instant classique et c'était fou. Mais pour l'instant, on y va une à la fois. On a aussi à savoir si nos numéros 1 sont toujours là au sommet. Donc la semaine passée, le numéro 1, vous vous en rappelez, c'était Galaxy avec Sean Min, qui est là depuis 7 semaines. Et du côté anglophone, le numéro 1, eh ben, c'était Destroyer avec Dream Lover sur la bande Poison Season. On va savoir si c'est la fin de l'émission, si c'est toujours là. On a quelques nouvelles entrées, on va se les entendre dos à dos. Plus tard, il y aura en anglophone The Deers, Alabama Shakes et Metric, mais on débute en 20e place francophone et il y en a une seule nouvelle entrée. Ben oui, il y en a juste une dans les nouvelles entrées, comme tu le dis, en 20e position, c'est Donne-moi-en de Bernard Adamus. Au 89 FM, c'est Palmarès, c'est fou! Où swing! Quand pour le matin que je lèche sur le dos, ça voudrait être quatre jours par commando. À jump d'un taxi, t'en tombe sur ma petite bonne femme, à main la leu. Des couettes partout, un vent des poches, moi, grand flamme rouge, donc comme la roche. Le taxi qui croule, mon petit foie, ça rouge. Y'a rien qui avance, pas ton oise qui bouge. Y'a rien qui avance. Je l'imbosse là-bas, pis y'aime t'en avec ça. Il dit peut-être pas, mais je sais qu'il pense tout bas. Parti Scorpio, singe bonobo. Pis c'était qu'il dit une souffleur en potin de taille. Achèque l'épaule sur le rock'n'roll. Les gars filent d'eau, mais ça de yodo. Les gars filent d'eau, mais ça de yodo. Paraît peut-être pas, mais ma tic à donne. N'a pas une grande demande, t'en as plein les bras. Paraît peut-être pas, mais ma tic à donne. N'a pas une grande demande, t'en as plein les bras. Oh oui, donne-moi ça, juste dans ma main. Rien que ça, pis de rêve que là. Oh oui, donne-moi ça. Cause it's chicken, gros, y'a les cheveux tout croche, la barbe d'un brode, quoi dans l'œil qu'il grise, les doigts qu'il frise, si toi tu bois, lui double la mise. Il bouge pas là, pas simple à suivre, il pose une mop, là il change de chemise, il drop des scotches, de grip et clutch, il tête une pof, s'allume, c'est une botch, y'a dans sa main une drôle de bête, il travaille fort le moins souvent possible, il lance des sols, mon gré dans le noir, des fois y'est ben bonheur, pis y'a t'assoir, il lance des sols, mon gré dans le noir, des fois y'est ben bonheur, pis y'a t'assoir, dis donne-moi ça, juste de même, mais rien que de ça, pis drette que là, ouais, donne-moi ça, juste de même, mais rien que de ça, pis drette que là, que je sais, que c'est que fait qu'il faut qu'on parle t'assoir. Chaque instant qu'il faut qu'il faut qu'on parle les jours intenses, et puis shooter une peine de blanche, j'enlève le coude dans tous ces marches, au pas de score, va sur escort dans mes oreilles, j'entends les corps, le compte à rebours, ainsi passé pour ma question. Voici, je m'agresse un week-end, big me roule, c'est pas mec, la tune, j'ai mis que les fonds, on rajoute, puis on radote, la note, la montre, la vie descend, si je pêche dans un gramme, deux sucres, une crème, je pique à chaud pendant le week-end, fait chauffer le casque en début de semaine, et que c'est d'avoir action, être encouragé, qu'elle me coule la main, me ramboule, me ramène à vos autres, mon capitaine, elle a pétune, Shawinigan, m'a dit qu'elle bonne, qu'elle magane, me ramboule, me ramène à vos autres, mon capitaine, elle a pétune, Shawinigan, m'a dit qu'elle bonne, qu'elle magane. nouvelle entrée. It's not the same. Les quatre nouvelles entrées des palmarès C'est fou de cette semaine. On vient entendre The Deers avec I Used to Pray for the Heavens to Fall sur l'album Times Infinity. C'est une nouvelle entrée en position numéro 18. Avant ça, on a entendu la 19e, nouvelle entrée en anglophone. Ben oui, c'était Future People avec Alabama Shakes. Mm-hmm, avant ça, Metric avec Four Kicks en 20e place. Et on a débuté avec la seule et unique nouvelle entrée en francophone qui était... Donne-moi-en de Bernard Adamus. Voilà, voilà, voilà. Bernard Adamus qui est en spectacle dans le coin dans les prochains jours. Surveillez sa page Facebook. Oui. On va sauter par-dessus plein de choses en anglophone. On saute la 17e, Danko Jones avec Watch You Slide qui descend de la 13e place. Alors qu'en franco, on saute les... les positions 19 à 17. Ben oui, on saute Il pleut de Propofol. On saute aussi Le doute des Shrimps. Tu sais, on en parlait la semaine passée, les petites crevettes. Et puis, oui. On saute aussi Papillon bon de nuit. C'est un très bon point. Ben oui, je sais. On a parlé des Shrimps la semaine passée la plupart des pièces des palmarès, je te dirais qu'on a parlé la semaine passée. Ben oui, non, mais c'est parce que je me souviens plus de quoi on parlait avec les crevettes la semaine passée, mais il y avait un hic avec les crevettes dans le palmarès. Les anecdotes, là. Hey! On devrait t'appeler Annick à la place de Tania. Si Annick on parle d'anecdotes, Mathieu Plante, t'es mal placé pour parler. Et on a t'as aussi... T'as complètement bypassé mon jeu de mots, mais t'as bien fait. Je sais, je l'ai pas bypass comme ça tous les matins. Et on a aussi sauté par-dessus Papillon de nuit de Marie-Pierre Arthur, coudonc, qui était à la 17e position. On fait juste ça, sauter les pièces. Et on fait juste ça. Est-ce que t'as envie qu'on en joue? On pourrait en jouer. D'accord, jouons-en ensemble. Les positions numéro 16, du côté anglophone, ça descend de 4, de Vaccines et Handsome. Et du côté francophone, on va aller écouter La vie du bum de Winston Bell. Au palmarès. Hop! C'est qui anime ici? Ah, vas-y. Les palmarès, c'est fou? Eh, ouais. Oh! 89 FM. C'est ça. Ouais, l'autre jour, il y a pas longtemps, j'étais dans la savane. J'allais de branche en branche, toujours en mangeant des bananes. Mon chemin rencontre une belle qui veut de moi. Se faire marcher vers le nord, faire l'amour à tous les soirs. Ouais, traverser le temps en bas, marchant bien plus loin encore. On a tué les animaux, on a mis les peaux sur nos dos. Que ma taille est belle, la belle, elle était partie. C'est que j'ai continué pareil, pareil à la déchéance. Ils m'ont trouvé dans la neige, ils m'ont placé en résidence. La sœur, tout d'un coup, s'est levé, tout d'un coup, je m'assois. Et en tête, j'oublie toute cause de joie et de fracas. 16. Vaccines et Handsome descendent de 4 places en 16e anglophone. Faut que je te fasse un signe à chaque fois qu'il faut que tu parles? Ben non, c'est parce que je me demandais si t'allais encore parler, c'est tout. Oh, ben, es-tu genre, hein? Ben tantôt, tu m'as dit que c'est toi qui animais, fait que j'attendais. C'est vrai, ben ça. J'ai un peu couru après. Et voilà. C'est ça. Mais bref, en position numéro 16, francophone? Ben oui, c'était la vie du bum avec le Winston Band. Bon, maintenant que c'est clair, on peut revenir à un ordre normal où je présente tout le temps l'anglophone et toi tout le temps le francophone. Ben oui, lui aussi, il a quand même droppé de beaucoup, hein? 4 places. Ouais, mais en même temps, ils peuvent pas tous... Ils peuvent pas tous être numéro 1? Ouais, j'allais dire, ils peuvent pas tous être bons. Mais tu sais, je le dirai pas. On n'est pas à énergie. Oh! Hey, oh, là, t'es allé personnel, là. T'es allé avec des vrais mots, là. Ouais, t'as pas fait dans d'autres radios, t'es allé directement avec la mention du nom. Direct. Ben, c'est comme toi avec Rouge FM, là. Ouais, je sais. C'est ça que j'allais dire. Mais toi, tu connais des gens dans ces stations-là, fait que c'est un petit peu plus méchant. Ah, c'est vrai. Moi, je les connais pas, puis si je les connaissais, je leur dirais, je veux pas te connaître. J'espère qu'ils écoutent pas. Bah, hein? Sur ce, pour ce numéro 15, en anglophone, c'est Twin Bandit, avec Rosalyn qui monte de 2 places. Et du côté francophone, eh bien, c'est Délice du band Sarah. Bon. En 15e position. Hein? Si je pesais sur play, Sarah rapport. T'étais pas loin. Non, bonne. C'est correct. Moins bonne que Combs ce midi, là. Ah, je la garde pour Assemblage Requis, celle-là. Gâche pas mes blagues d'Assemblage Requis. Ok, je suis désolée. Palmarès, c'est fou, c'est mes blagues, genre, en dessous de la moyenne. Demain matin, le cocombe. De ta bouche, je n'ai pris ni les sons, ni les sens, mes émouvances chatoyant qui sur mon cou s'alanguit. Bouche fraise glisse. Encore accord audacieux et sauvage, elle m'émeut et me dit, laisse-moi en prendre un peu, que ta peau délicieux. Oh, à sommeil agité de ta crinière sublime. Oh, laisse-moi en prendre un peu, que ta peau est délicieuse. Bringing me to tears again.

C'était Fake Tears et You Want the Light, position numéro 14 qui monte de la 19e. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. On a beaucoup baissé du côté du francophone. C'était tout juste avant l'anglo. J'ai plongé dans le bruit de Baden Baden qui, la semaine passée, était en 6e position. Mais cette semaine, on se retrouve en 14e position. Oui. C'est plate quand ça arrive. C'est plate. C'est plate. C'est plate, mais c'est la vie. Exactement. C'est la première heure très, très remplie des palmarès. C'est fou, là, où on ne joue que de la musique sans presque parler. Parce qu'on a beaucoup de pièces à faire jouer et beaucoup de pièces qui n'ont pas tant joué depuis les dernières semaines. Donc, on doit se les remettre à l'oreille. On va aller tout de suite avec les positions numéro 13 du côté anglophone, c'est Braids, avec une de tes préférées, Miniskirt, qui descend de 2 places. Et du côté francophone, eh bien, c'est Dans le Dallo de Navarre, qui la semaine passée était en 8e position, mais cette semaine, on y va pour la 13e place. Ben, tiens, hein? Hein, hein? Changer les affaires de place, non? Dans le Dallo. Dallo. Dallo. Oui, Dallo, ça va bien? Oui, Dallo. Oui, Dallo. C'est les palmarès, c'est fou. C'est ma toune! Ah! Yeah! Yeah! Dans la foulée entassée, dans la mer noire de gens, t'es venu pour briller. Comme avant, tu repars sans dire un mot. Ton étoile dans le Dallo, ton sourire trop maquillé et tes lents mouvements de ballerine fauchée par le temps. Tu chantes dans les allées un peu comme un enfant, mais t'es plus que t'as été. Plus maintenant, tu repars sans dire un mot. Ton étoile dans le Dallo, pour te faire oublier le présent. Tu repars sans dire un mot. Ton étoile dans le Dallo. You wanna call it? How about I'm fairly choked? Cause I know some just see my body, and every girl I know at some point starts.

Faith No More, Sunny Side Up, position numéro 12, qui monte de 6 places, nouvelle entrée de la semaine passée. Alors qu'avant ça, on avait entendu Braids avec Miniskirt, qui descend de 2 places, et en francophone. Bien, en francophone, en fait, on va aller écouter la 10e position qui est L'éléphant s'évapore des incendiaires. Tantôt. Parce que oui, on saute en fait 2 tunes. La première qui est Ce matin de Sophie Hanelin et L'amour argent de Pony. En anglais, on saute par-dessus Hot Chip avec Why Makes Sense qui descend de 6e à la 11e place. Tu l'as dit tantôt, on va entrer dans le top 10 pour la 2e heure et on va aussi avoir nos meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique. Ça s'en vient dans la 2e heure et en 3e heure plus tard, le top 5. Les choses se suivent dans un ordre prédéfini et vous, vous allez rester à l'écoute. Hein? Ben oui. Ben oui. Au 89.1 FM. FM. On va se rendre jusqu'au sommet. Vous êtes assez fous. 89.1. Retour, c'est toujours les palmarès fous pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2015. Il est Tania Baudin. En intrusion avec Mathieu Plante. Ouais, ben c'est ce qu'il a dit, mais à date, ça fait 2 semaines sur 2 que t'es là, 2 en 2. Ben oui, mais parce que t'as pas de co-animateur ou co-animatrice. Ça va être de même toute l'année, cher. Oui, hey, il fait donc bien sombre tout d'un coup. Ça, c'est pour les gens qui nous écoutent le mardi. Oui. Par contre, ceux qui nous écoutent le vendredi ou dimanche, c'est peut-être super ensoleillé. Peut-être, parce que l'émission est en rediffusion, mais présentement, on dirait qu'il va comme vraiment beaucoup mouiller. Moi, je pense qu'il va peut-être tonner. Peut-être qu'il y aura une interruption de notre programmation. Ouh, on sait pas. Peut-être. On sait que la dernière fois qu'il y a eu des éclairs, on a perdu un bord de diffusion. On diffusait c'est juste vrai. Un bord. C'est vrai, on diffusait juste un bord. Fait qu'on sait pas trop. La vie ne tient pas à grand-chose. Non. Hein? C'est vrai, ça. C'est très vrai. Donc, on entre... Hein? La ligne est mince. La ligne est mince, entre autres. Donc, on entre dans le top 10 du compte anglophone. La 10e place est Ratatat avec Abrasive qui monte de la moitié du palmarès, de la 20e à la 10e, et c'était une nouvelle entrée la semaine passée. Oh, et du côté francophone, c'est les incendiaires avec la pièce L'éléphant s'évapore. En 10e position, ils sont restés à la même place depuis la semaine dernière. Ah, il s'évapore. Ben, ça tombe bien. S'il mouille, peut-être qu'il va... S'évaporer un peu. Se remouiller, se réhumidifier. T'sais. Oh, peut-être. C'est bon, ça? C'est des palmarès si fous au 81 FM. Thank you. soir on fait mon cinéma. Avant mon soir j'ai sorti toi et moi. Ce soir on fait mon cinéma. Avant mon soir j'ai sorti toi et moi. Ce soir on fait mon cinéma. Descend de deux places en 9e position anglophone. On a aussi entendu Velvet de Rose Fargo. Avançant 10e anglophone, Rat-Tat-Tat et Abrasive qui montaient de 10 places. Et Les Incendiaires avec L'éléphant s'évapore. Voilà un beau petit bloc de 4. Oui. Oui, on aime ça. On va aller avec les positions numéro 8 et après les 8e, ça va être notre méga bloc d'instant classique qui résume les 3 dernières semaines, les 3 premières de la saison, donc la semaine du 7, du 14 et du 21 septembre. En résumé, dans quelques instants. C'est bon, ça? Ouais, c'est excellent. En 8e place anglophone, ce sera No Joy avec Remember Nothing qui reste stable. Et au francophone, c'est Vilaine Fille, Mauvais Garçon avec Constance. Dans les palmarès, c'est fou! Ouhouhou!

C'était les meilleurs moments d'Assemblage requis pour les semaines du 7, du 14 et du 21 septembre 2015. Évidemment, vous pouvez entendre Assemblage requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Cette semaine, Nathalie, t'as mis beaucoup de gens à l'eau, hein? C'est terrible ce que j'ai fait en onde. T'as fait des choses impossibles depuis les trois dernières semaines. C'était tes trois premières semaines de C'est fou à vie. Oui. Et déjà... Ben, pas à vie, parce que j'ai eu ma propre émission durant l'été. Semaine complète, mettons. Ouais, semaine complète, mettons. D'émission du matin. D'émission du matin assez tôt. C'est... on rétrécit, là. C'est ça qui c'est bon. Mais là. Non, c'est comme ça. Est-ce que t'avais des meilleurs moments en piste avec Tania Baudin? J'en ai pas fait. Ben, c'est ça. Mais sûrement que j'en aurais eu. Sûrement. Donc, c'était un bon petit 8 minutes 8 secondes pour les premiers 4, 8, 9, 10, 11, 11 jours d'Assemblage requis. Ça va bien. Et on va tout avoir une semaine de délai. Donc, la semaine prochaine, on entendra les meilleurs moments de la semaine du 28 septembre. C'est cool, ça? C'est excellent. Les montages sont disponibles sur assemblagerequis.com après l'émission, donc www.assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions et les chroniques. Un instant classique et les autres. Voilà. Voilà. Nous, on était rendus dans nos palmarès C'est fou, position numéro 7. Et du côté anglophone, ce sera The Weather Station qui tombe à point aujourd'hui. Comme on l'a dit tantôt, nous, en direct, le mardi, il fait une grosse pluie. Hein? C'est vraiment pas beau dehors, à l'extérieur, présentement. Ceux qui nous écoutent le vendredi ou le dimanche vont dire « Mais voyons, je ne comprends pas. » Ben, c'est parce que vous n'avez pas encore saisi le principe de rediffuser l'émission. Et voilà. C'est mais pas, présentement, pas nouveau, là. Hein? Présentement, le mardi 29 septembre, 16h34, 23 degrés à l'extérieur, il mouille! 23 degrés à l'intérieur, je crois. Oui, à l'intérieur, peut-être plus, ouais. 23,8, c'est presque 24, je te dis. T'as raison. Bref, voilà pour la météo, c'est pour ça que The Weather Station va jouer tantôt avec Loyalty, ça descend de deux places. Et du côté francophone, eh bien, ça va être Ponctuation avec la pièce Poésie automatique, qui elle aussi a descendu de deux places. Hein? Point d'interrogation. Wow! Point d'exclamation. Point virgule, il n'y a rien à faire avec ça. Non, hein. C'est ça. Okay. C'est pas vrai, c'est fou. Au 89 FM. Voilà. Parfois, j'ai mes terres en tête pour croire. an afterthought, an oversight. And I stood so surprised, trying to hold on to my pride. So close I could hear low sigh. I said I was fine, you said you were fine. I didn't mind to be alone that night. A city I've never seen, all these skyscrapers rolling on the prairie, built high and tall, as though they all compete just to reach the tallest up above. The Weather Station, la pièce Loyalty qui descend de 2 en 7e position anglophone. Et du côté franco, eh bien, c'était Ponctuation avec Poésie automatique. Ah, c'est beau dit de même, c'est beau, ah, c'est beau! C'est beau! Oui! Il nous reste seulement les 6e places à entendre dans cette heure. Si, il nous reste environ 15 minutes, donc peut-être qu'on va avoir le temps de retourner à des chansons qu'on a sautées précédemment. Je nous le souhaite. Donc, en anglophone, on va aller entendre tout de suite, sans perdre plus de temps, une pièce qui monte de 3 places. En 6e anglophone, c'est Jamie XX avec Love Places. Et en francophone, eh bien, on entend... une pièce qui a descendu quand même de 5 places. Elle était en première position la semaine passée. Un nouveau numéro 1. Oui! Alors, on va aller écouter Galaxy avec Champ de Mine du côté franco. Le palmarès, c'est fou sur le 81! We'll be right back. 6. Jamie XX, L'extrait Love Places monte 3 places en 6e position anglophone. Et du côté francophone, eh bien, je l'avais dit, ça l'a descendu de 5 places. C'était en première position la semaine dernière, Galaxy avec Champ de Mine. Ouais, tu l'avais dit, c'est vrai. Moi, ce que j'avais dit tantôt, c'est qu'on aurait de la place pour d'autres pièces dans cette deuxième heure. Et c'est le cas. Oui! Donc, on va pouvoir retourner en arrière un petit peu, entendre les positions numéro 11 qu'on avait sautées en première heure. Donc, du côté anglophone, ce sera Hot Chip et Why Make Sense qui descendent à 6e place, 4e semaine de présence. Et du côté francophone, ça va être Pony avec la pièce L'amour argent. Hey, tigalou, tigalou, tigalou, tigalou, tigalou, tigalou. C'est des palmarès, c'est fou. Ah, c'est des petits oiseaux à la place de tes chevaux. Ah. Ah. Ben, ça pourrait amener un petit peu de soleil. Peut-être un peu. Peut-être. Les oiseaux. Les oiseaux. Et 11e position en anglophone, Hot Chip avec Why Makes Sense, qui sort de la 6e place. Pendant qu'on écoutait du côté franco, Pony avec L'Amour Argent. Tigréo, Tigréo, c'est deux pièces qu'on avait sautées dans la première heure de l'émission et c'est comme ça que se termine la deuxième heure, la portion top 10. Dans quelques moments, ce sera la portion top 5. On va savoir d'ici la fin si notre numéro 1 en anglophone est toujours Destroyer avec Dream Lover. En franco, tu nous as déjà révélé que c'est descendu en 6e place, Galaxy. Ben oui, donc on a un nouveau numéro 1 du côté franco. Que de suspense et d'offres promotionnelles d'une durée limitée. Ça continue après la pause au Palmarès, c'est fou, ouais, c'est... Troisième heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2015. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Oh oui, c'est la portion top 5 de l'émission. Il nous reste seulement une heure ensemble. Une heure qui va se montrer, se dévoiler tranquillement, pas vite, à travers les 50 quelques prochaines minutes. Je dirais 56, 57 environ. À peu près. On va se rendre jusqu'au sommet de nos palmarès. Donc, du côté anglophone, la cinquième place est occupée par She Serpent et Black Swan, qui monte de 5 places. Du côté francophone, c'est Philémon Simon avec La Musique, qui a monté de beaucoup de places. Plusieurs places. Plusieurs innombrables places. Oui, tout à fait. À un calcul mathématique avancé, peut-être de comprendre de combien elle est montée. Et on calcule la 8? Non. 9. 9. Ouais. Voilà. T'étais proche. Mais je t'ai pas fait forcé, de maths, moi, pour animer la radio. Là. C'est ça. T'as pas fait de maths pour animer la radio, ça veut dire que t'as pas couché avec le co-animateur, maintenant. Pas fait de maths pour animer la radio, d'abord. C'est terrible comme call. Pas fait de maths. Je vais la noter, en fait. Je pense que c'est le pire call que t'as fait, Adam. Titre de l'épisode. T'as pas fait de maths pour animer. OK, sur ce... Sans unique Véronique, vis autour de moi, mais la musique est un amour, un amour qui me déchire, m'inspire. Véronique sur moi. 5? Que le guichet automatique, on dirait, joue sur le même beat que la musique. C'est vrai, moi aussi, je trouvais. Quand les gens composent sur le clavier qui est juste à côté du studio. Oui, exactement, c'est ça. Il faut expliquer aux gens que nous, à côté du studio, il y a un guichet automatique pour la chasse-galerie. Ouais. Et quand tu pèses sur les boutons, ça fait bip, bip, bip, bip. Très, très fort. La toune faisait avait tellement des liens avec les guichets. C'est drôle, c'est drôle. C'est très drôle. On vient d'entendre She Serpent et Black Sun qui monte de 5 places en 5e anglophone. Et du côté francophone, c'était Philémon Simon avec la musique. Et voilà, voilà, voilà. Voilà qu'on arrive en quatrième place. Ça va être un long bloc parce que les pièces sont longues dans celui-là. T'sais? En anglophone, c'est Yukon Blonde avec Saturday Night que j'adore. Et ça, ça descend de une place. Et du côté francophone, en fait, on a monté de beaucoup de places, de 14 places exactement pour Arthur Como avec la pièce Pour pêcher. Ben oui, Como comme Come Over to the Top of the Palmarès. Hein? Exactement, dit comme ça. Ben, tu sais qu'ils vont dire ça. C'est ce qu'ils disent. Como está? Como está? Oui, bien. C'est les Palmarès. C'est Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Des cartes paraît pas du tout par une transition subtile. Mais oui. Entre la chanson qui joue pilote, mais c'est pas la bonne. Ah, ah, ah. C'est bien correct, ça. Ouais, c'est pas grave. On n'a pas envie d'écouter au complet, ça. Donc, on s'entend, You Call Blonde et Saturday Night qui va commencer à l'instant. Puis, ni vu, ni connu. Voilà. You Come Blonde, l'excellente Saturday Night, descend d'une place en quatrième anglophone sur l'album On Blonde. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu du Arthur Como avec Pour Pêcher. Ah, tu vois, pour moi, ça, c'était comme

On vient d'entendre les positions numéro 3 des palmarès anglophones. C'était Teen Daisy Pink qui descend d'une place. Et pendant qu'en troisième position du côté francophone, on avait les Connards à l'orange avec l'autobus, on a fait quand même un saut de 12 places pour eux. C'est impressionnant, impressionnant. J'étais sur les internets en train de regarder les mimes. J'ai vu le mime remplacer le mot baguette par le mot pénis dans une phrase du livre Harry Potter pour voir ce que ça donne. En anglais, je vais la traduire. Ok, okay, vas-y. Je vais essayer de la dire en anglais, ça va être le jeu de mots va mieux fonctionner. Ok. Expecto patronum. Harry yelled, nothing happened. Harry gripped his dick tighter and shook it up and down until thick, wispy white substance protruded from the end of it. Harry a grippé son. Au lieu de sa baguette, ça devient son pipi. Son pipi. Hein? Et l'a brassé de haut en bas jusqu'à ce qu'une substance blanche et épaisse sorte du bout. Mais tu veux-tu vraiment que je te dise quelque chose? Puis là, je suis pas certaine que mes meilleures amies seraient très contentes que je divulgue ça à la radio. Okay. Mais quand on habitait en appartement à Montréal durant nos études, on a décidé de faire un dictionnaire entièrement basé sur Harry Potter. Ouais. Et les relations sexuelles. Alors, parce qu'on trouvait que, tu sais, si exemple, t'étais dans un endroit public puis tu voulais parler de ce qui s'était passé avec une certaine personne, c'était quand même assez difficile de discuter de tout ça dans un endroit public en étant cru, tu sais. Ouais. Donc, on a décidé d'associer des mots de Harry Potter à nos relations. Ah, excellente idée, ben oui. Ben oui. C'est comme ceux qui vont peinturer quand ils veulent dire qu'ils vont avoir des relations sexuelles consentantes. Tu sais, si je te dis, étais-tu Dumbledore? Ah! Ça veut dire que c'est bien mandré. Est-ce que tu savais ce qu'il faisait? Ah, OK. Oh, c'est savoir ce qu'il faisait. Ben ouais, oui, ben oui, parce que Dumbledore est toujours en complètement apte à faire quelque chose. Et tu sais, c'est lui le directeur de l'école, donc veut pas, ici où qu'il s'en va. OK, donc quand tu dis, est-ce que quelqu'un est Ron Weasley, ça veut dire, est-ce que le tapis fit avec les rideaux? partout, si je me souviens bien, on n'avait pas ça, mais on avait beaucoup de définitions. Et si je pense que je l'ai encore dans mon ordinateur. Sors-nous ça. Mais je suis pas certaine, alors je vais essayer de le retrouver. Si je le retrouve, je vous jure, je l'amène à l'assemblage Reiki un matin. Ah ouais. Une autre phrase où on remplace le mot baguette par le mot pipi, hein, c'est « My dick, said Ron, look at my dick! » It had snapped almost in two, and the tip was dangling limply, held on by only a few spare splinters. Mon pipi, regarde mon pipi. Il était cassé presque en deux, et le bout était tout chambranlant. Et ne tenait que par quelques petits bouts de bois. C'est terrible. Bon, peux-tu vraiment dire ça en onde? Ah, je sais pas, c'est déjà fait, malheureusement. Peut-être coupé au montage comme maintes erreurs à travers l'émission. Maintes erreurs, ouais, on préfère. Genre. Nous, on était rendu pour son numéro 2. Du côté anglophone, c'est Destroyer avec Dream Lover, qui est l'ancien numéro 1 anglophone. On a deux nouveaux numéro 1. Ben oui! Écoute, et du côté francophone, eh bien, c'est Rosie Vallant avec Olympe qui a sauté. Vraiment, là, sauter parce que... Comme une course à abstinence. Elle n'a pas gravi certains échelons, là. Elle a vraiment sauté de la 20e à la 2e place. C'est comme la baguette de Ron, Olympe Limpi. Wergardium Leviosa. Oh! Pareil. C'est les palmarès, c'est fou! T'arrives-t-il d'enrager quand tu nous vois oublier tout ce que l'on a de gagner? T'arrives-t-il de pleurer? T'arrives-t-il de pleurer quand tu nous vois oublier ton nom sur l'échafaud? Quand tu nous vois oublier ton nom. Time. city. Love is on the run. Love is on the run. Reçoit vraiment plein de messages présentement à la suite de ma dernière intervention qui disait que en appartement à Montréal, on avait fait un dictionnaire avec des connotations sexuelles d'Harry Potter. Mathieu, si je te dis, as-tu déjà attrapé le vif d'or? J'en ai pas encore eu l'occasion. Oh, oh, ok. Ah. J'aime ça. D'une personne en particulier, là. Pas dans la vie en général. Non, pas de la vie parce en général. Les vifs d'or, je les accumule comme une collection. Mais pas ça... du tout, absolument pas. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça veut dire, est-ce que t'as réussi à avoir un orgasme? Ah, ben là, attends un peu. Non, mais avec une certaine personne en particulier que toi et moi sachons. Définis la personne. Ok, non, alors. Okay. Non? Non. Ok. Mais tu vois, ce sont tous des choses comme ça. Exemple, il y avait aussi une référence avec le basilic dans Harry Potter 2. Et là, je laisse aller votre imagination. Explique. Bien, en fait, ce sont des choses que tu peux dire en public. Donc, c'est le genre de questions que tu peux poser à une de tes amies. Et automatiquement, si elle a reçu le dictionnaire, parce qu'évidemment, on s'attendait à pouvoir le distribuer un petit peu entre amis. Alors, si, exemple, une de tes amies arrivait puis disait « Hey man, y étais-tu basilic? » Est-ce qu'il était vraiment bien... Membré, mettons. OK. Wow! Ouais. Donc, la réponse dans ce cas-ci serait oui. Ben, je sais pas. Mathieu, garde tes pantalons en studio, s'il te plaît. Mais il fait chaud. Je ne tiens pas à ce que tout le monde soit devant les vitres ici. Notre public. Se rue devant la porte du studio par la suite. C'est drôle en plus que quand on y pense vraiment comme il faut, dans le nouveau studio de C'est Fou, on a une grande baie vitrée et notre public, c'est une garderie pour enfants. Donc, je sais pas si on va parler là-bas, mais je veux pas savoir ce qu'ils en pensent. Ouais, c'est salutations ça. À tous les fanatiques d'Harry Potter à la garderie. Oui, et part de bat, hein? Comment? Quoi? Hein? Y a-t-il un match des Aigles juniors ce soir? Non, c'est terminé. Ils ont perdu. On l'est pas. Ouais. On l'est pas. Mais c'est pas les jeunes de la garderie parce que c'est pas cet âge-là. Non. Moi, je comprends rien au baseball. C'est vrai, je me souviens de cette. Quand tu parlais de Vif d'or, je pensais que tu parlais de testicules. Non. Il y avait pas de connotation comme ça, si je me souviens. Ma réponse, as-tu attrapé le Vif d'or dans ce cas-là? Non. Ah oui, évidemment, mais non, là, ici, on s'entend que c'est une discussion faite simplement entre filles. Ah, faut se comprendre. Ouais. Faut se comprendre. C'est rare que la question arrive, est-ce qu'il avait des vifs d'or? Puis là, la réponse, ça voudrait dire, est-ce qu'il avait des testicules? La plupart du temps, la réponse va être oui, on va se le dire. Ouais. La plupart du temps. Ouais. J'ai une amie qui aimait vraiment pas le mot... Ben, c'est... Je suis pas certaine. On va finir là. Vas-y, Mathieu. Non, je veux vraiment savoir c'est quoi. En fait, tous les dictionnaires ont commencé par ça. OK. J'ai une amie qui détestait l'expression « se faire doigter ». OK. Oh, d'accord. Ouais. Alors... Bon, ça peut arrêter là, je pense. Et on l'a au bout de la ligne. donc, on était rendu à faire des... En fait, on en avait donné une connotation avec Harry Potter pour que personne sache c'était quoi et pour que surtout elle n'entende pas ce mot-là parce que ça la faisait grincer des dents. Parce que le mot doigté, pas se faire. Ouais, non, okay. Exactement, c'est le mot qu'elle aimait pas. Pianoter, quelque chose comme ça. Alors, la connotation avec Harry Potter, c'était voldemorisé. Ah, OK, quand même, le mot qui ne doit pas être mentionné. Alors, ça a du sens quand tu y penses. Tout notre dictionnaire avait beaucoup de sens. Ah, ça a été étudié, ça. Il y a 4 ans, alors je tiens à dire qu'on était beaucoup moins mature qu'aujourd'hui. Ben oui, il y a 4 ans, en tout cas. Tu restes encore pas mal immature à mes yeux, mais bon. Donc, on était rendu au numéro 1, c'est-à-dire qu'on va faire des jeux de mots poche. Pas des jeux de mots de poche. Non. Est-ce que ta copine s'appelait Christelle? Aucunement, Jasmine. Salutations. OK, je m'attendais pas à ce que tu dises vraiment son mot. Mais elle habite pas ici, elle est encore à Montréal, donc évidemment, elle m'écoute pas. Comme on dit, Jasmine de rien, hein? si elle s'appelait Christelle, elle serait au sommet de ma liste. Mais elle ne l'est pas. Elle est au sommet. En fait, elle est à l'arrière-plan du palmarès. Elle est all the way to the brack of the classroom. Hey. Brack of the classroom, hein? Hein? Avoue que là, ce jeu de mots-là mériterait que j'arrête et qu'on me dessine en portrait. C'est aussi pire que ce que je viens de faire. C'est ça. Alors que moi, je crève de faim parce que l'émission termine tard en direct et j'ai envie de manger tout de suite. Mais là, en ce moment, je crève de faim. Jasmine de rien et moi, famine de rien. Famine. Ouais. Du côté anglophone, Colin, que ça me rappelle une blague que j'ai fait ce midi. Ah oui? Avec toi, que je vais devoir utiliser à Assemblage Requis parce que c'est pas la même émission et donc pas le même public. C'est que je suis l'homme qui tire plus vite qu'un cocombre. Donc, mon ombre me fait beaucoup rire, ou rit de ma blague de Shade. Oui. T'as pas une, la blague de Shade? Hein? Ben oui. Et cette blague-là, elle est bonne, peu importe dans quel système, dans quel pays tu l'utilises. Elle est bonne autant en Angleterre que c'est même avec le système metric. Hein? Ben oui. Oui. Et toi, je sais que t'as eu des mésaventures, apparemment, que tu m'as conté en ronde et qu'on ne rencontrera jamais en ondes. Merci à Vegas. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Pagans in Vegas. Et voilà. Raconte-nous tout. En dehors des ondes reste en dehors des ondes. Comme à Vrac 2, là, ce qui se passe le soir reste le soir. Codef. Raconte-nous ce que ça veut dire tout ça. Ben oui, certainement. Donc, en fait, on va commencer avec le top 20 anglophone. En première position, c'est The Shade du band Matrix de l'album Pagans in Vegas. Ah, voilà. Voilà pour le mot jeu. Le jeu de mots. C'est pas un jouet, ça c'est l'affaire qui contrôle tes mains, une planche de mots de jeu. On devrait essayer de jouer en ondes. Ça me pointe vers des mauvais gags. Ça me pointe tout à fait vers le pire gag. Comment? On devrait essayer de jouer un jour en ondes. À Ouija. Ok. Je t'ai mêlé. Mais tu sais, le matin, fait que. Ils dorment peut-être encore les esprits. Ah, peux-tu me parler du francophone maintenant? Certainement. En première position francophone, on a fait un saut de 12 positions. Et d'où la femme de la vie de Mathieu, parce que Christelle est le titre. Je savais pas si t'en allais avec le début du mot. Là. Christelle est le titre de cette chanson de Philippe Braque que l'on retrouve sur l'album Portrait de Famine. Comme ton ami Famine. Comme mon ami qui meurt de Jasmine, famine. Jasmine, excuse-moi, exactement. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est les numéros 1, on les écoute, puis on se reparle pour se dire au revoir dans quelques instants. On peut le oui. Fou. J'espérais plus tes ailes. Au premier battement, sont venus boucher ma vue. Même moi, âme de buvant, pour passer le temps, mais j't'attends plus fort. En souhaitant que ta silhouette s'évapore. Dans mon angle mort. Tes yeux ne vieilliront jamais. Chaque essai, mais toi, à pendant que tu dors, le sommeil te berce, il te garde fort. Entre tes deux oreilles, même pas l'onde d'un remords, malgré les faux clins d'œil, les shots de fort, dans mon inconscient. Dans mon angle mort. Position. Thank you. poursuit numéro 1 de ce côté. En anglophone, on vient d'entendre Metric avec The Shade. Pendant que du côté francophone, eh bien, on a entendu du Philippe Braque avec Christelle. Et là, tu me dis, mais Colin, Mathieu Plante, n'ai-je pas déjà précédemment entendu du Metric au tout début de l'émission? Ben oui, Mathieu Plante, n'ai-je pas déjà entendu du Metric au tout début de l'émission? Oui, t'as raison. On avait entendu la nouvelle entrée 4 Kicks sur leur même album Pagans in Vegas en tout début. C'était la deuxième pièce qu'on avait entendue tout à l'heure. Donc, deux pièces de Metric en même temps, c'est rare que ça arrive. Tu sais? Mais on aime ça, on aime ça, c'est parce que les gens aiment ça du Matrix. Et voilà, c'est tout pour les palmarès Cifou de la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2015. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct les mardis à partir de 15h jusqu'à 18h. Et on passe, en fait, avant de dire où est-ce qu'on repasse, après nous, les mardis à 19h, c'est l'émission réanimation. On repasse les vendredis entre 17h et 20h. Après nous, c'est Sky Punk Up ainsi que les bonnets rouges. Et finalement, les dimanches à midi, restez à l'écoute en général et allez voir le cifou.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Merci beaucoup, Tania Baudin. Mais ça fait plaisir, Mathieu Plante. Merci de m'avoir laissé incruster ton émission tu encore une fois. Tu fais ça quand tu veux, c'est-à-dire la semaine prochaine, mardi entre 15h et 18h, parce que j'arrive tout le temps là. Peut-être, qui sait. On se quitte avec une pièce qu'on avait sautée tout à l'heure, c'est Danko Jones, Watch You Slide en 17e place, et la semaine prochaine. Bye. Bye. Merci à Jasmine et à Crystal, la danseuse. Et au vide-dans.